Amant, je te baise, dis-moi ce qui dérange. Le fait que je mange, que je me range du côté des miens, du coup que je me venge, que j'ai grandi parmi les loups. Quatre pas trop acérés, rap pas dans la Clio de je nique ton père le hustler. Prie pour que je m'arrête là, moi j'ai pas pris assez de love. À 2000 dans 4000 pour vendre la macha à Cello. Faire la lumière, mes bras s'élèvent, hamdoulilah sans bracelet. C'est pas si mal et pas si malin, je la baise et je suis pas son amant. Je veux faire des sous comme un alcoolique veut faire boire son démon. Car je l'aime à la folie, un peu beaucoup passionnément. Je me suis fait des ennemis un peu partout, c'est pas si grave. À ce qui paraît, je peux m'en sortir frelon, je suis pas si cramé. Faut faire le plein, mais je te jalouse pas pour un quignon de plus. Mais combien de mauvaises intentions je récolte en millions de vues. S'ils pouvaient m'ouvrir le foie, ils seraient mille à le faire. Ils seront mille à le voir et pourtant ils nieront les faits. Vers la lumière, mes bras s'élèvent, mes bras s'élèvent. Hamdoulilah, son bracelet, son bracelet. Fais pas de crime passionnel, faut faire des loves car je l'aime à la folie. Beaucoup passionné, mange traîne en bas, je dépasse minuit. Salope, je suis assez mignon, rabat, tu vas assimiler. L'art dépasse les limites. Moi je calcule pas ces minotes, elles calculent pas ces guignols. Raconte leur passé minable. Pendant la nuit je fais des rêves, j'en fais transpirer mon rap. J'en ferai nixer les rêves, je vais faire une rythme mémorable. Et je viens enterrer les rats, et puis j'en paierai les risques. Et puis j'enchaîne les rimes, jusqu'à éterrer mes rats. Jusqu'à éterrer mes rats, et puis j'enchaîne les rimes, jusqu'à éterrer mes rats. La nuit les ténèbres, j'en ferai nixer les rêves. Vous avez pas compris encore? C'est que l'apéritif tout ça. Nyx, Ereb, Ether, Emera. C'est même pas dans l'album. Le 1er février, les choses sérieuses commencent. Les cités de France vont braquer la Fnac encore une fois. Les vaillants sont avec YL. Ah!